On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, concernant le cours. Juste une petite parenthèse. Parce que il y a une question qui m'a été envoyée venant de nos frères de la banlieue parisienne. Qui dit que sa voisine, il a déménagé, et qui dit que sa voisine est islamophobe. Qu'elle l'insulte. Qu'elle le méprise. Elle dit clairement qu'elle n'aime pas l'islam et les musulmans. Et il m'a envoyé une vidéo. Cette femme qui insulte, qui crie, qui s'énerve, etc. Et il me demande, est-ce que il peut prendre cette vidéo dans laquelle on montre cette femme qui fait cela, qui l'insulte parce qu'il est musulman, est-ce qu'il peut prendre cette vidéo et la propager sur les réseaux sociaux ou sur un journal pour montrer comment certaines personnes ont la haine contre l'islam? Alors j'ai décidé de répondre de façon publique. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, la wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal de la meilleure des façons. Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. Le bien et le mal, les bonnes et les mauvaises actions ne sont pas semblables. Repousse le mal qui t'est fait de la meilleure des façons, avec le bon comportement. Alors tu verras celui dont il y a une animosité entre toi et lui, grâce à cela, grâce à ce bon comportement, cette bonne façon dont tu as repoussé le mal, tu verras que c'est comme si c'est ton ami chaleureux. Comme si c'est ton ami chaleureux. أخرج البخاري في صحيحه باب الصبر على الأذى أن رجلا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فطعن فيه. البخاري l'a cité dans son recueil الصحيح. Chapitre, le fait d'endurer quant à l'injustice. الأذى, l'injustice, il t'est fait du tort. Que un homme a parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a critiqué. فذهب ابن مسعود فأخبره. Ibn Mas'ud a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Il dit ibn Mas'ud فتغير وجهه فغضب وتغير وجهه. Alors le prophète, il s'est énervé et son visage a changé. حتى أني وددت أني لم أخبر. À tel point que j'ai voulu ne pas lui avoir informé de cela. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, certes Moussa a subi plus d'injustice que cela et il a patienté. Moussa a subi plus de tort que cela et il a patienté. فصبر, alors patiente. إذن أخي نصيحتي لك ولغيرك أولاً أن تعتذر. Et donc mon frère, mon conseil pour toi et pour toute personne qui est dans ce cas, c'est de patienter et de t'excuser. Pourquoi? Parce que dans la vidéo qui m'a été envoyée, on voit déjà que le questionneur ou une personne qui était avec le questionneur s'est mal garé. On a parlé des voitures tout à l'heure. Il s'est mal garé. Ce qui a causé la colère de cette personne, de cette femme, etc. Et ensuite, il commence à critiquer les musulmans, l'islam et... Et donc, mon conseil, excuse-toi. Parce que tu as mal garé. Car tu as garé ta voiture dans un endroit qui n'est pas convenable. Tu as garé ta voiture dans un endroit qui n'est pas convenable. Donc, premièrement, excuse-toi. Deuxièmement, tu réponds au mauvais comportement de cette personne, de cette femme, par le bon comportement. Par le bon comportement. Ensuite, hajir. Aussi, un conseil, émigre. Il ne faut pas oublier l'émigration, les frères. Il ne faut pas oublier l'émigration. Le fait de vivre dans les pays musulmans, parmi les musulmans, tu ne vas pas entendre quelqu'un qui va te dire « Je déteste les musulmans, je ne supporte pas, etc. » Fais-in-lam-testatir. Fais-la-tad-khul-fi-ma'arakatin-ma'adjiranik. Si tu ne peux pas émigrer et que tu dois rester ici, alors je te dirais, ne rentre pas dans un combat avec tes voisins. Ne rentre pas dans un combat avec eux. فَإِنَّهَا لَفَرْسَةٌ لَكْ. Car c'est une bonne occasion pour toi. C'est une bonne occasion pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il guide par ta cause une personne est mieux que des chamelles rousses. C'était les biens qui avaient le plus de valeur chez les Arabes. Et donc cela est mieux pour toi que beaucoup de richesses. Fahris ala hidayati haoula. Alors fais des efforts pour guider ces gens. Efforce-toi d'être une cause de guider ces personnes-là. Aie un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme on l'a vu pendant le cours, la même in shay'in afqalu fil mizan min husnil khuluq. Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et donc elle a eu un mauvais comportement avec toi, c'est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains se sont fait tuer à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle t'a insulté. Réponds avec le bon comportement. Réponds avec le bon comportement. Et donc, énormément de textes nous appellent à répondre au mal par le bien. Réponds au mal par le bien et sois une cause de guider. Sois une cause de guider. Comporte-toi bien avec tes voisins. Cette personne-là qui dit ça, qui n'aime pas les musulmans, etc., il se peut qu'elle dise ça. Pourquoi ? Parce qu'elle ne connaît pas l'islam. Explique-lui c'est quoi l'islam. Regardez le bon comportement, etc. Explique-lui. Parce qu'elle a peut-être vu chez certains musulmans un mauvais comportement. Et donc, montre-lui le bon comportement. Toi, maintenant, tu as une occasion. Tu es son voisin, Khalas. Tu as une occasion, montre-lui le bon comportement. Voilà mon conseil que je voulais donner à ce frère, ainsi qu'à tous nos frères de façon générale. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous et à toutes la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.